tout renforce l'ordre moral. Surtout pas casser ton moral. Mais c'est le bordel, contente pas dans leur panel. J'suis formel et reste formé pour ça, nique le CSA. C'est pour ça j'ai gardé ma tenue de combat. Que j'lâcherai pas mon combat. Fais gaffe à ton dos, protège tes abdos. Si tu parles cash de leur vie, s'ils te font pas de cadeau. On nous censure parce que notre culture est trop basanée. Qu'on représente pas assez la France du passé. C'est carré, on veut nous stopper ça. Allez, tant qu'on rappe dans les MJC. Mais aujourd'hui, le phénomène a grandi. Dieu merci, je remercie les jeunes qui rappent sans merci. Et puis nique sa merci. On passe pas dans leur radio, on fera le tour, c'est pas grave. Le plus dur c'était de sortir de la cave. Et les gens le savent, hey, on est encore là. Prêt à foutre le sou que tout le monde est corda. Non, non, on est encore là. Prêt à foutre le sou que tout le monde est corda. C'est ça. Mais simplement parce que je chronique. La vie est sale et met en panique. Non, non,